Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Ulysse Blot. Bonjour. Dans le podcast 2030 Glorieuse, moi je pars à la rencontre de ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Et toi, Ulysse, tu as un poste, un métier, un profil, un chemin de vie particulièrement intéressant que je voulais donner à découvrir aux personnes qui nous écoutent. Tu es ingénieur curieux. En tout cas, c'est la description que j'ai trouvée sur LinkedIn. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un ingénieur curieux ? Un ingénieur curieux, c'est le résultat d'une question que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais mettre comme poste sur LinkedIn ? Parce qu'avant, j'étais ingénieur en gestion écologique de l'eau, ingénieur en bioressources, comment on utilise les plantes, les micro-organismes, les champignons, les écosystèmes d'une manière générale dans la gestion des eaux de pluie, des eaux usées, comment on fait travailler ensemble l'eau et le vivant dans le domaine du bâtiment et de la ville plus largement. Et puis ensuite, j'ai fait ce périple dont on va parler et je me suis dit, bah, qu'est-ce que peut être le titre de ce poste aujourd'hui, puisque personne ne m'emploie. Et donc, ce qui me caractérisait, c'était vraiment cet aspect ingénieur de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Et curieux, parce que voilà, c'était vraiment pour comprendre concrètement ce qui se passe sur le terrain. Si tu le veux bien, avant qu'on parle de la route en commune, le projet qui fait qu'aujourd'hui je suis avec toi et qu'on échange, tu m'accueilles très gentiment chez toi. C'est aussi en général une des tendances des personnes que je pars rencontrer. On a un lien entre le chemin de vie, la vie personnelle et la vie professionnelle qui se mélangent. On va y revenir. Mais avant de parler de ça, je voulais quand même dire qu'aujourd'hui, les filières d'ingénieurs, elles se retrouvent un peu dans ce grand écart, dans ce paradoxe, puisque à la fois il y a une envie de tomber dans le technosolutionnisme, on a envie de répondre à l'urgence climatique par le fait de rajouter au high-tech, et d'un autre côté une nécessité ou si peut-être une tendance, je veux bien avoir ton avis là-dessus, de la sobriété dans l'innovation. Et je voulais savoir, toi, un peu, comment tu avais navigué dans ton cursus et quel point de vue tu avais sur cette ambivalence des points de vue, justement. Alors, moi, si je suis ingénieur, c'est parce que j'avais ce besoin de comprendre, dans le sens où j'ai toujours voulu savoir ce qui se passait derrière, aussi bien techniquement que socialement. Donc, j'ai choisi la partie technique, mais je cherche aussi par d'autres façons de comprendre les humains, comprendre les gens. Et donc, j'ai fait des études d'ingénieur, mais c'était pas évident tout de suite. Hein. J'ai beaucoup erré. J'ai aujourd'hui 7 cartes d'étudiants d'universités différentes. Parce que voilà, j'étais un peu indécis. Finalement, j'ai fini par trouver. J'ai été formé à Montréal, au Canada. Et puis, je suis revenu en France, il y a 3 ans, un peu plus maintenant, en 2016, et j'ai travaillé dans le domaine donc, du bâtiment. J'ai travaillé pour un paysagiste, un bureau d'études, un cabinet de conseil en bâtiment durable. Et à travers tous ces métiers-là, j'ai essayé de faire en sorte de développer en interne de cette entreprise une conscience pour l'eau et le vivant. Et à force de pousser, je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'avançait pas, ou en tout cas pas assez vite. Et qu'en fait, même dans ces grandes villes comme ce qu'est Paris, où il y a plein de choses bien qui se font, j'avais la sensation que les choses n'allaient pas assez vite là et qu'il fallait voir autre part. Et comme je ne savais pas ce qui se passait autre part, je me suis posé la question, voilà, qu'est-ce qui se passe en dehors des grandes villes ? Et comme j'en savais absolument rien, j'ai pensé que la meilleure façon de savoir, c'était d'aller directement sur place, d'aller poser la question. Et donc j'ai pris mon vélo et je suis parti. Donc tant pis à l'innovation, qu'elle soit high-tech ou frugale, tu pars à la rencontre d'autres réalités. C'est ça. En fait, pour moi, l'ingénieur, j'ai la chance d'être ingénieur, d'avoir pu faire ces études-là. Et je m'en sers aussi comme moyen d'aller voir les gens, parce qu'en fait, la connaissance, pour moi, effectivement, il y a une connaissance technique des ingénieurs, mais une connaissance qui nous manque beaucoup, c'est l'expérience de terrain. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de demander à des gens qui habitent là pour savoir ce qui est le mieux là. Donc avant même de vouloir apporter des solutions, quelles qu'elles soient, tu as décidé d'aller rencontrer ceux qui font le territoire, qui font la réalité, notamment de nos communes, avec un projet La Route en Commune. Tu as enfourché ton vélo, et qu'est-ce qui s'est passé ? Donc voilà, j'avais ce besoin de comprendre ce qui se passait en dehors des grandes villes, et donc j'en ai parlé un peu autour de moi, et puis au début c'était un projet qui était vraiment un projet individuel pour moi, pour comprendre, et puis en parlant je me suis rendu compte que ça intéressait pas mal de monde, et donc j'ai un peu construit cette étude, j'ai monté un comité de pilotage avec des chercheurs, des journalistes, des élus, des sociologues qui m'ont donc aidé à concevoir un questionnaire que j'ai pu poser à 64 maires tirés au hasard, et donc pendant 3 mois, de mi-avril à mi-juillet 2019, je suis allé voir un maire par jour à vélo, en dormant chez l'habitant, pour leur poser des questions très simples de comment concrètement ils gèrent leurs ressources et comment est-ce qu'ils impliquent leurs citoyens. Pas n'importe où, tu es parti dans une partie assez ciblée en France. Voilà, je suis parti en fait dans le département du Calvados. Alors, pourquoi un département ? Bah parce qu'en fait, comme c'est une étude qui est auto-organisée et auto-financée, enfin sur fonds propres, c'est d'ailleurs pour ça que je suis parti à vélo et que j'ai dormi chez l'habitant. Comme c'était à vélo, je voulais réduire les distances parcourues parce que l'objectif, c'était pas de faire du vélo. Moi, moins je fais de vélo, mieux je me porte. L'objectif, c'était d'aller à la rencontre des gens et pour ça, il fallait du temps. Et donc, en faisant ça à l'échelle d'un département, je réduisais les distances. Et puis, pourquoi le Calvados ? Bah parce qu'en fait, dans le Calvados, il y a une grande diversité de communes. Des communes au bord de la mer, des communes dans les terres, des communes touristiques comme Deauville, d'autres pas du tout, des communes immenses comme Caen, d'autres toutes petites comme Périgny, 58 habitants. Et donc ça me permettait en un temps réduit, en une distance réduite, de voir une grande diversité de communes. Et il n'y a aucun lien entre moi et le Calvados, voilà, je suis parisien et justement c'était à cet aspect extérieur, venir vraiment comme un élément extérieur pour poser mes questions. Et donc je suis venu, c'était vraiment l'idée, c'était pas de les sensibiliser ou de les convaincre, je venais, je posais mes questions, je notais les réponses et je repartais. Donc je n'avais pas du tout la position d'un ingénieur, mais vraiment d'un enquêteur ou d'un curieux pour venir voilà rencontrer chaque jour un maire différent tiré au hasard pour leur poser des questions concrètes sur comment sont gérées les choses chez eux. Et tout un tas de questions pour répondre justement, pour avoir des réponses à... Alors, là, concrètement, comment est gérée l'eau, comment est gérée l'énergie, d'où vient la nourriture, comment sont impliqués les citoyens, qu'est-ce qui se passe en cas de crise, plein de questions très concrètes, parce que même si le tour et le concept, c'était les maires et la transition écologique, c'est des mots très larges, très vagues, et donc mes questions étaient vraiment très ancrées. C'était pas est-ce que vous êtes pour ou contre l'écologie, c'était voilà, d'où vient l'eau potable qui sort de votre robinet, d'où vient la nourriture, d'où vient l'énergie, comment vous gérez, comment vous réduisez la consommation énergétique de la commune, parce que l'objectif c'était d'avoir, en fait la raison pour laquelle je suis allé voir le maire, c'est parce que c'est un personnage qui connaît énormément de choses sur sa commune, et donc ça me faisait gagner un temps fou en allant voir qu'une seule personne pour pouvoir récolter toutes ces informations là. On va revenir en détail sur ces rencontres, ces réponses que tu as collectées et sur ces tendances que tu as commencé à voir apparaître tout au long de ce cheminement. Avant ça, du coup, moi je suis quand même très curieux de savoir comment tu définirais ton travail actuellement et quelle a été la perception de ton entourage quand tu leur as dit, parce qu'en général on sort d'école, on a une voie pas toute tracée, mais on rejoint une grande entreprise, on rejoint une commune, on rejoint un cabinet d'études, toi t'as fait rien de tout ça et tu l'as présenté j'imagine à tes amis, à ta famille, et qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? J'ai travaillé dans une grande entreprise avant, mais j'ai quitté parce que ça, j'avais besoin de sens. Et c'était vraiment voilà, de comprendre. Ensuite, quand cette étude de, est-ce qu'on aborde maintenant le sujet de cette étude, de ce qui lui arrive ou, parce que, en gros, l'idée, c'est que quand j'en ai parlé de ce projet-là autour de moi, on m'a dit, mais bon, ah bon, ah oui, mais effectivement, c'est une super idée parce qu'on a, on sait. On a beaucoup d'associations et de gens qui travaillent sur à quoi devraient ressembler les communes, à quoi, enfin, plein de solutions, plein de choses. On a aussi beaucoup d'images de deux, trois ou une dizaine de communes en France qui font des choses formidables. Mais la réponse que moi, je n'ai pas trouvée, c'était qu'est-ce qui se passe dans des communes normales, dans les communes de tous les jours, celles où on habite, celles où nos parents habitent. Enfin, voilà. Et donc, ma question, c'était qu'est-ce qui se passe concrètement dans ces communes. Et comme je n'avais pas de solution, j'ai pensé que le mieux, c'est d'aller tirer des communes au hasard, de les mettre sur une carte, de les rejoindre par un trait. Et lundi, j'allais avoir celle-là. Le mardi, j'allais voir celle d'après. Et comme ça, d'avoir un retour vraiment concret de ce qui se passe. Et aujourd'hui, ça parle à beaucoup, beaucoup de monde. Je me permets d'insister, hein, Ulysse, parce qu'en fait, je trouve que dans ta démarche, il y a beaucoup de points communs avec la mienne. Tu as décidé de te poser des questions, de les affronter, ces questions, et d'essayer d'y trouver des réponses sans être absolument obnubilé par rentrer dans une case, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Mais tu t'es dit, non, c'est trop important, ça me préoccupe trop, j'ai envie de pousser ça plus loin. Et non seulement je te vois comme quelqu'un d'épanoui et passionné par ces sujets, mais en plus, j'ai l'impression que tu as réussi à embrigader les personnes autour de toi. Tu parlais de tout un collectif pour générer les questions, mais j'ai l'impression qu'ensuite, il y a aussi un engouement qui s'est créé autour de ça. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? Alors, tout à fait. Donc, au début, j'étais seul. C'était une idée qui est venue un peu comme ça, en discutant avec une amie. Et puis, donc, en discutant un peu autour de moi, les gens ont apprécié l'idée. Et en fait, tout ce projet, depuis sa conception jusqu'à sa réalisation, est un travail, en fait, collectif. Dans le sens où c'était centré autour de moi, parce que c'est moi qui pédalais. Mais tout le monde a donné sa pierre à l'édifice, que ce soit des idées, ou du temps, ou de l'énergie, ou du réseau. Et c'est vraiment, je suis très fier aujourd'hui de ce projet-là, parce qu'il parle de plein de gens. Et c'est c'est vraiment le résultat d'une réflexion et d'une action commune, que ce soit aussi bien dans la préparation de l'étude, dans la réalisation, parce que voilà, chaque jour, je dormais chez des gens que je ne connaissais pas le matin même, avec qui je parlais sur le chemin et qui me proposaient ou pas de m'héberger, parce que je ne voulais pas leur demander, je voulais que ce soit eux qui me le proposent. Aussi bien dans l'analyse de toutes ces données, parce qu'il y a une centaine d'heures d'entretien, et donc il fallait analyser tout ça, il fallait ensuite synthétiser tout ça dans un document qui soit accessible et lisible. Et puis là, encore aujourd'hui, l'étude fonctionne très bien parce que chacun s'en empare et l'utilise pour soi comme soutien, comme support, comme élément de discours. Je creuse, j'ai envie de savoir ce qui a fait qu'une personne comme toi, tout d'un coup, se soit dit mais je ne veux pas rentrer ni dans des cases, ni poursuivre une stabilité financière, professionnelle, quelle qu'elle soit, je veux répondre à des questions qui me préoccupent, j'accepte de sortir de ma zone de confort, de partir rencontrer des inconnus, de ne pas savoir où je vais dormir, de me mettre sur un vélo alors que je ne suis même pas friand de cette activité. Mais ça paraît fou, en fait, à voix haute quand tu le dis comme ça. Ouais, effectivement, je le réalise pas beaucoup, en fait. Et même quand j'en parle, c'est pas forcément ce que je mets en avant, parce que moi, ce qui m'inquiétait, c'était vraiment de savoir concrètement ce qui se passait. Mais effectivement, ce périple est un truc de fou, parce que quasiment du jour au lendemain, enfin, l'idée est venue éventuellement, enfin, elle est venue, je crois, fin décembre, c'est les premières traces de cette idée-là, fin décembre, et le 10 avril, je partais sur mon vélo à la rencontre des mers pendant 3 mois, sans avoir jamais voyagé à vélo. Alors, je faisais du vélo à Paris, hein, mais sans jamais voyager à vélo, sans savoir où j'allais dormir, sans savoir ce que j'allais manger, sans savoir, enfin, tout était vraiment à l'aventure, et puis je ne suis qu'un simple citoyen. Alors certes, voilà, formation d'ingénieur, donc je fais quand même partie des privilégiés, il ne faut pas l'oublier, de pouvoir ne serait-ce que de partir. J'ai pas d'enfant, j'ai une famille, mais c'est voilà. Je fais quand même, voilà, j'ai beaucoup de chance de pouvoir réaliser cette étude-là, mais techniquement, elle n'est pas non plus inaccessible. Voilà, mon vélo, je l'ai acheté d'occasion, je l'ai retapé dans un atelier partagé, et il m'a quasiment rien coûté. Et puis voilà, le périple m'a coûté vraiment très très peu cher au final. C'est-à-dire combien ? Il m'a coûté 1 500 € au total sur 3 mois, en comprenant l'hébergement, le déplacement, la nourriture, tout. En fait, ce que j'ai payé, c'était le vélo et puis un manteau aussi, parce que je me suis acheté un super manteau coupe-vent, coupe-pluie qui représente presque 1/5 de la somme totale. Et le reste, c'est le midi, parce qu'on ne m'invitait pas toujours à manger le midi et que donc je mangeais à droite à gauche. Et donc voilà, et mais 1 500 € sur 3 mois, c'est rien du tout. Tu te rends compte, tu comprends pourquoi j'insiste sur ce sujet, parce qu'on est quand même dans un monde où on essaie de voir loin, on prévoit notre carrière, nos déplacements, nos loisirs, on anticipe énormément. Tu vas à l'inverse complètement de cette tendance-là. C'est fou. Et ça marche. Et ça marche. Et je n'ai jamais dormi dehors. Je n'ai eu aucun problème technique. Je n'ai pas crevé. Je n'ai pas. Enfin, tout était formidable. Et même à la fin des 3 mois, j'avais une énergie folle. Je pensais être épuisé à la fin des 3 mois. Mais en fait, ça m'a revigoré. J'étais en pleine forme. J'aurais pu durer encore un mois ou deux. Voilà. Mais ça s'est vraiment très, très bien passé. Et les gens, aussi bien les mères qui prenaient le temps de répondre à mes questions, parce que quand même, voilà, il fallait qu'ils se rendent disponibles le jour où je passais dans leur commune et qu'ils me dédient, je leur demandais 1 heure. Et donc, il y avait, voilà, ils ont pris le temps de répondre à mes questions, que ce soit, encore une fois, le maire de Périgny ou le maire de Caen. J'ai rencontré le maire de Caen, le maire de Deauville, le maire de Honfleur, tous ces maires-là, ils ont pris le temps de me répondre. Donc, que ce soit les habitants ou même les maires ou même les habitants qui m'ont hébergé chez eux. Et encore une fois, je leur demandais pas. Je roulais à vélo et puis avec mes grosses sacoches sur mon vélo, donc forcément, la discussion ça commençait facilement et on discutait. Et puis je leur expliquais le concept et puis des fois la discussion s'arrêtait là. Et des fois ils me disaient mais vous dormez où? Alors je disais bah chez les gens. Et vous dormez où ce soir? Bah je sais pas. Et des fois la discussion elle s'arrêtait là. Bon bah bon courage, bonne soirée. Et sinon très souvent ils me disaient mais vous voulez dormir à la maison? Avec grand plaisir. Et donc on passait toute la soirée à discuter, voilà, comme deux personnes qui se découvrent et qui apprennent à se comprendre. Et c'était formidable. Et j'ai passé toutes mes soirées étaient pleines d'énergie. Et puis comme entre guillemets les gens étaient tirés au hasard puisque je ne choisissais pas chez qui je dormais, j'ai dormi chez des cadres, des agriculteurs, des fonctionnaires, même chez une PDG de boîte pharmaceutique. Enfin, j'ai vraiment eu tout le panel des gens qui habitent. Et donc voilà, j'ai ce retour terrain aussi de la part des habitants. C'est une photographie extraordinaire de la France, du Calvados au moins. Ah oui, mais en fait, du Calvados, parce que je n'ai fait que le Calvados, mais aujourd'hui, l'étude, elle est diffusée donc en ligne, on en parlera après, mais elle a été téléchargée des milliers de fois sur le site, et je demande aux gens de rentrer leur code postal quand ils téléchargent l'étude, et c'est partout en France. Ouais. C'est vraiment partout, et les retours que j'ai, c'est, en fait, ce que tu as écrit dans ton document, chez moi, c'est la même chose. Bon allez, on rentre dans le sujet parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je ne peux pas m'empêcher de me dire, pour toutes ces personnes qui ont cette âme d'aventurier, qui ont une idée qui leur semble farfelue, le message que toi, tu leur passes par l'existence même de ton projet, c'est foncez, foncez. Et voilà, le message, il est passé. J'ai insisté un petit peu dessus, mais ça me paraissait trop évident. Et donc, cette étude, 3 mois, plus d'une centaine d'heures d'enregistrement. Si tu devais nous en livrer la substantifique moelle, qu'est-ce que tu nous dirais? La substantifique moelle. Ce que j'ai réalisé en allant interviewer ces 64 maires tirés au hasard, c'est que le maire a un pouvoir immense. Que les limites du pouvoir du maire sont extrêmement floues. Je m'explique. Dans les discussions, dans l'interview, je demandais au maire voilà, quelle était la limite de leur pouvoir, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, qu'est-ce qu'ils pouvaient pas faire. Et donc, ils m'expliquaient bah voilà, ça c'est impossible, ça c'est impossible, ça c'est impossible. Bon, moi j'ai seulement réussi à faire ça. Très bien, j'allais en voir un deuxième qui me disait bah, ça c'est impossible, mais moi j'ai seulement réussi à faire ça. Et puis, sur le moment, je m'en suis pas rendu compte, mais c'est seulement après, en analysant en fait ces 64 interviews, que je me suis rendu compte que tout ce qui m'avait été listé comme impossible par un maire avait été réalisé par un autre maire. Et là, la grande question, mais si ça a été réalisé, c'est donc pas impossible. Alors, c'est certes très difficile, compliqué à mettre en place et plein de choses, et les maires font de leur mieux, voilà, mais que ce concept de impossible n'existe pas. Que les limites du pouvoir du maire sont extrêmement floues. Et ça, c'est vraiment un truc fascinant que j'ai réalisé, c'est que voilà, les maires ont le pouvoir qu'ils se donnent. Substantifique moelle, voilà. Et pourquoi avoir choisi l'échelle locale plutôt que l'échelle régionale, plutôt que l'échelle nationale? Pourquoi ne pas avoir fait un tour même de l'Europe à vélo sur ces sujets? Pourquoi, à ton avis, la démocratie locale, elle est si importante? Alors, je me suis intéressé au maire parce que c'est un personnage de terrain. C'est une personne qui sait concrètement ce qui se passe chez lui. C'est un habitant comme les autres. Hein. Il, il respire le même air que tout le monde, il a ses enfants dans la même école, il boit la même eau, il prend la même pluie, il va au supermarché comme tout le monde. Et donc, en fait, il a cette conscience de ce qui se passe concrètement. Et donc, parce qu'il a cette conscience, il a ce pouvoir aussi, parce qu'il sait ce qui se passe, et donc il peut agir. Et puis, voilà, il est le dernier échelon, le premier échelon de l'État, c'est le représentant de l'État sur le territoire. Et c'était vraiment, c'était pour moi important de comprendre concrètement ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'études globales, on a beaucoup de chiffres. Mais moi, j'ai voulu faire cette étude pour comprendre humainement. C'est une étude qualitative que j'ai faite. Il y a quelques chiffres parce qu'il en faut. Mais c'est vraiment une étude qualitative où je suis allé demander à des humains ce qui se passait chez eux concrètement. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que face à ta grande question qui était de répondre et de se préparer, de montrer de la résilience face à l'urgence climatique, où on en est? Alors donc, les questions que je leur posais, c'était vraiment... J'abordais très peu le sujet de la transition écologique ou de l'urgence climatique parce que je ne voulais pas que la discussion soit politique. Très bien. Mais toi, tu le voyais dans leurs réponses, mine voilà, de rien. Voilà, bien sûr. Les questions que je leur posais, donc, par exemple, d'où vient l'eau, d'où vient l'énergie, d'où vient la nourriture? Concrètement, par exemple, je ne sais pas, rapidement, il y a beaucoup plus d'infos dans l'étude, même si elle est très courte et très dense. Est-ce que tu peux dire où est-ce qu'elle est disponible librement, cette étude, s'il te plaît? Donc, cette étude est disponible gratuitement en ligne sur le site de La Route en commune avec un s.fr ou sur Facebook, Facebook/la route en commune. Sinon, en tapant Ulysse Blau, il y a eu suffisamment de presse qui peuvent rediriger Ulysse Blau, BLAU. Et donc, cette étude, donc en termes de contenu, par exemple, en termes d'énergie, j'ai réalisé qu'il y a énormément d'énergie, en fait, qui est importée. Il y a très peu de production locale d'énergie, que ce soit l'énergie électrique, mais aussi de l'énergie, enfin voilà, tout ce qui est essence. Dans la commune, on produit pas d'énergie, ou très très peu. En termes d'alimentation, pareil, il y a très peu de production. En fait, il y a beaucoup de production locale, mais qui a aucun lien, ou très peu de lien, avec la consommation locale, dans le sens où on produit beaucoup de nourriture qu'on exporte, et toute la nourriture qu'on consomme, on l'importe. Et il manque ce lien entre la production locale et la consommation locale. En termes d'eau, en tout cas les élus du Calvados que j'ai rencontrés étaient très peu sensibilisés à la ressource en eau, parce que dans le Calvados il y a beaucoup d'eau, et donc c'est pas trop un problème. C'est d'ailleurs la différence qu'il peut y avoir, les retours par exemple du Var, où effectivement l'eau est très différente, mais sinon ces conclusions là sont assez partagées, en tout cas des retours que j'ai eu au niveau national. Donc voilà, la gestion de l'eau qui est pas forcément non plus prise en compte par rapport au changement climatique. Donc il y avait ces aspects là l'aspect de crise aussi, où je posais la question de quels étaient les éléments qui étaient listés dans le DICRIM, le document d'information communale sur les risques majeurs, qui est un document obligatoire pour toutes les mairies et qui en fait liste de ce qui se passe, qui on appelle en cas de chute de neige, qu'il faut appeler Jojo avec son tracteur pour déneiger le terrain. Mais c'est aussi un document dans lequel on est censé aborder tout type de crise, que ce soit des crises naturelles ou des crises politiques. Si par exemple la hausse du prix de l'essence et que c'est impossible de se déplacer parce qu'il n'y a plus d'essence ou trop cher. Et donc en gros, en questionnant sur ce document-là, je me suis rendu compte que les communes n'étaient pas du tout préparées à des éventuelles crises, même de petite ampleur. On est loin de l'effondrement, c'est pas la question. C'est juste, s'il y a une hausse du prix de l'essence, par exemple, et que donc les camions qui alimentent le supermarché ne sont plus rentables parce que l'essence est trop chère, et que donc les supermarchés sont vides en 3 jours, comment est-ce que la commune fait face à cette crise alimentaire? Ça c'est vraiment des sujets que j'ai abordés. Mais même le DICRIM lui-même était un document, même s'il est obligatoire, il y a plein de maires qui me disaient non, je ne sais pas ce que c'est, ou qui me disaient oui, on a un DICRIM, alors où est-ce qu'il est? Donc en cas de crise, on ne le retrouvera pas. Mais il y a plein d'autres qui en a qui l'avaient aussi. Encore une fois, il y a très peu de généralité, parce que j'ai vraiment rencontré un maire dans tous les styles, et ce qui justement renforce l'idée que rien n'est impossible, rien n'est infaisable, parce qu'il y a forcément un maire qui l'a fait. Et oui, donc, c'est ça, parce que là, quand même, tu dresses un tableau un peu sombre de l'incapacité, ou en tout cas du manque de préparation proactive à cette résilience. Et à la fois, comme tout à l'heure tu disais que chacun à leur manière ils avaient réussi à répondre à une impossibilité, j'ai quand même le pressentiment que chacun à leur manière ils avaient réussi à mettre en place quelque chose de vertueux pour justement préparer ce qui pourrait advenir. Et si on cumulait un peu toutes les bonnes pratiques, peut-être que la localité, la commune idéale ressortirait, non? Oui, tout à fait, bien sûr. En fait, ça, c'est vraiment une vision globale. J'ai essayé de résumer en 5 phrases le 3 mois, donc forcément, c'est faux. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, il y a plein de choses qui se font dans chaque commune. Et puis, il y a plein de maires qui font des choses formidables sans savoir qu'elles sont formidables, comme toujours. Tu as des exemples ? Oui, et puis c'est des choses très simples. Hein. Je sais pas, par exemple, il y a une commune où la mairie a proposé aux anciens de s'occuper des espaces verts. Et donc, en fait, les petits vieux, ils s'éclatent parce qu'ils peuvent s'occuper des fleurs, planter des fleurs. Ils sont, plutôt que d'aller jouer au bridge toute la journée, et ben, de temps en temps, ils sortent et ils vont s'occuper des espaces verts. Donc, ça fait plaisir aux seniors, ça fait plaisir à la mairie parce qu'elle a moins à entretenir ça, donc plus d'argent pour autre chose. Et puis, les habitants, ça leur fait plaisir parce qu'ils ont une super commune. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple, mais qui change tout. Comme exemple, y a une commune qui avait un centre-bourg assez dynamique avec plein de commerces. Le problème, c'est que les commerçants, ils se plaignaient du fait que les habitants vont faire leurs courses au supermarché parce qu'il y a une pompe à essence. Donc, ils peuvent faire leurs courses et l'essence en même temps. Et donc, la mairie a mis en place une pompe à essence municipale. Et donc, l'essence est moins chère qu'au supermarché et ça se trouve en plein centre-ville. Et donc, voilà, comme une des nombreuses façons de soutenir le commerce local en installant une pompe à essence. Mais il y a plein de petites initiatives comme ça qu'on peut retrouver dans l'étude, même si l'étude n'est pas une liste de bonnes pratiques. Il y a plein de gens qui font des travaux formidables sur qu'est-ce qui est fait en bons exemples ou qu'est-ce qui devrait être fait. Mais ce document contient aussi quelques petites perles glanées par-ci, par-là. Mais oui, il y a plein de choses qui se font. Forcément, ça ne circule pas assez, donc là il n'y a pas assez de copies, assez d'inspiration, mais il y a plein de choses qui se font. Mais quand même, dans l'ensemble, il y a encore beaucoup de choses possibles parce qu'il y a en fait il y a plein d'élus qui ne savent pas quand envie de bien faire de manière générale. Enfin, les élus sont les maires que j'ai rencontrés sont des personnes qui se donnent à fond pour leur commune parce qu'ils donnent un temps fou quasi gratuitement. Voilà, c'est une vraie implication. Donc c'est pas un problème de volonté, c'est un problème de ne pas savoir quoi faire, qui aller voir. Ah bon, ça c'est possible. Voilà, donc c'est vraiment important. Et puis voilà, le maire est un personnage, c'est un habitant comme les autres, donc il veut le bien de sa commune et il est vraiment à fond là-dedans et il se donne à corps perdu pour ce travail. Là. Pour en savoir plus d'infos sur la route en commune et comme tu le disais, il y a tout un tas de communes qui sont assez exemplaires sur un sujet de la transition, que ce soit le rapport à l'énergie avec par exemple Ungersheim ou Los Angeles plutôt dans le nord, que ce soit avec la relation participative dans la vie démocratique avec Saillant par exemple, etc. etc. On a tout un tas de très beaux exemples. Peut-être qu'un endroit qui regroupe un peu ces initiatives, ce serait le mouvement des villes en transition qui répertorie un peu ce genre de bonnes pratiques pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent aller plus loin. Merci Ulysse pour cette première partie, c'est passionnant, ça présente assez bien ton travail, ça donne envie d'aller plus loin. À la fois, là on rentre petit à petit dans la deuxième partie de ce podcast et tu vas nous lire un morceau, un passage, une pépite de la littérature. Qu'est-ce que tu vas nous lire ? Je vais vous lire un morceau d'une nouvelle de Dino Buzzati, qui est dans le recueil qui s'appelle Le Cas, qui s'appelle La Leçon de 1980. On t'écoute, Ulysse. C'est un texte qui a été écrit en 1967 et l'auteur se projette en 1980. Et en gros, le concept, c'est que à minuit, en 1980, donc il y a encore les deux blocs, le bloc russe et le bloc soviétique et le bloc états-unien. Et à minuit, le chef des Russes meurt d'une crise cardiaque le mardi soir à minuit. Donc voilà, pourquoi pas. Sauf que le problème, c'est que la semaine d'après, à minuit, le mardi soir, le chef des États-Unis meurt aussi d'une crise cardiaque. Et donc, on commence à se poser la question. Et le troisième mardi, à minuit, le second du président des États-Unis, qui avait donc pris sa place, meurt d'une crise cardiaque. Et là, en fait, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Et les uns après les autres, en fait, les plus puissants ont l'air de mourir. Et donc, on appelle ça la loi du « c'est le plus puissant qui meurt ». Et donc, voilà, c'est là où ça commence. Après quoi, La loi, c'est le plus puissant qui meurt, se trouvant confirmée, on constata un sauve-qui-peu général des charges les plus élevées et hier encore les plus recherchées. Presque tous les sièges présidentiels restèrent vacants. Le pouvoir, auparavant convoité avec avidité, brûlait les mains de ceux qui le détenaient. Il y eut, parmi les gros bonnets de la politique, de l'industrie et de la finance, une course désespérée à qui serait le moins important. Tout se faisait petit, replier leurs ailes, afficher un noir pessimisme sur le sort de leur propre patrie, de leur propre parti, de leur propre entreprise. Le monde renversé. Un spectacle divertissant n'eût été le cauchemar du prochain mardi soir. Et puis, toujours à minuit, le cinquième mardi, le sixième et le septième, le vice-président de la Chine, l'éminence grise du Caire, ainsi que le vénérable Kaltenbrunner, surnommé encore le sultan de la Roure, furent éliminés du jeu. Par la suite, les victimes furent fauchées parmi des hommes de moindre envergure. La défection des titulaires épouvantés avait laissé inoccupés les postes éminents de commandement. Il faut bien reconnaître qu'il fut même l'unique exception à la règle, car le seul vieux De Gaulle, donc De Gaulle c'est un clin d'œil que fait l'auteur, parce qu'en fait De Gaulle est la seule personne de pouvoir qui ne meurt pas. Par contre, les personnages moins importants que lui tombèrent à l'échéance du mardi soir. Peut-être le Père Éternel en faisait semblant de l'ignorer, voulait-il lui donner une leçon d'humilité. Au bout de 2 mois, il n'y avait plus un dictateur, plus un chef de gouvernement, plus un leader de grand parti, un président, directeur général de grosses entreprises. Fantastique, tous des missionnaires. Il ne resta à la tête des nations et des grandes firmes que des commissions de collèges paritaires où chaque membre se gardait bien d'attirer l'attention sur lui. Dans le même temps, les hommes les plus riches du monde se débarrassaient en toute hâte de leur incroyable accumulation de milliards par de gigantesques donations à des œuvres sociales, à des mécénats artistiques. Dans les litiges, qu'ils soient internationaux, nationaux ou privés, chacun donnait raison à l'adversaire, cherchait à être le plus faible, le plus soumis, le plus dépouillé. Le cratère de Copernic fut équitablement partagé entre soviétiques et américains. Le capitaliste le cédait à leurs entreprises et à leurs travailleurs, et les travailleurs les suppliaient de bien vouloir les conserver. En quelques jours, on arriva à un accord sur le désarmement général. On fit exploser les vieux stocks de bombes dans les environs de Saturne, qui en eut 2 anneaux brisés. 6 mois ne s'étaient pas écoulés que toute ombre de conflit, même local, s'était dissipée. Que dis-je, de conflit ? Il n'y avait plus de controverses, de haines, de disputes, de polémiques, d'animosité. Fini la course au pouvoir et l'idée fixe de la domination. Et l'on vit alors s'établir partout la justice et la paix, dont, grâce au ciel, nous jouissons en toujours 15 ans après. Car si quelques ambitieux, oublieux de la leçon de 1980, tentent de lever la tête au-dessus des autres, la faux invisible la lui tranche, toujours à mardi, à minuit. Les exécutions hebdomadaires cessèrent vers la mi-octobre. Elle n'était plus nécessaire. Une 40aine d'infractus judicieusement distribués avaient suffi pour arranger les choses sur Terre. Les dernières victimes furent des figures de second plan, mais le marché mondial n'offrait rien de mieux en fait de personnages puissants. Seul De Gaulle continua à être obstinément épargné. Merci Ulysse pour ce roman à la fois surprenant et à la fois beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait imaginer avec toutes ces têtes qui tombent. Qu'est-ce que tu as cherché à illustrer avec ce passage ? Alors, ce que j'ai cherché à illustrer, c'était pour répondre à la question de à quoi ressemble un monde idéal. Alors là, outre les moyens qui sont utilisés, parce que apparemment, enfin dans l'introduction, ils expliquent que c'est peut-être Dieu qui a choisi ça. Enfin bon, voilà. Mais en tout cas, le concept qu'en fait, quand le pouvoir brûle les mains, si on en doit choisir entre le pouvoir et la vie, on choisit la vie. Et que voilà, comme ils expliquent en quelques mois dans cette nouvelle, il y a plus de guerre, il y a plus d'animosité, tout le monde s'entend bien parce que personne n'a envie d'être plus puissant que l'autre, et donc ça inverse complètement la tendance et on arrive à un monde quasi idéal en termes de répartition du pouvoir, des richesses. Et donc c'était une image de ce à quoi pourrait ressembler un monde parfait où j'aurais envie de vivre, en tout cas pas forcément en 2030, mais pourquoi pas. J'ai l'impression que ça dit beaucoup de choses aussi de tous ces maires qui portent vraiment la passion de leur commune, de leurs habitants, et qui ont une démarche pas du tout d'accumulation du pouvoir, mais presque de sacrifice, non ? Oui, en fait, il y a très peu de maires qui justement, ont plusieurs casquettes. Parce que très souvent, bah, soit ils ont un métier et ensuite ils sont maires. Mais cette image qu'on a du maire, du personnage politique, voilà, moi qui habitais à Paris, j'avais la seule image du maire que j'avais, c'était le maire de Paris. Un personnage inaccessible, politique, que jamais j'irais rencontrer, parce que beaucoup trop loin. Mais en fait, les maires, voilà, ils sont des personnages de terrain et en fait, ils veulent pas forcément être maires, dans le sens où c'est une charge qui leur est tombée dessus presque par hasard. Parce qu'en fait, dans quasiment toutes les communes que j'ai rencontrées, il n'y avait, en tout cas aux dernières élections municipales, qu'une seule liste qui se présente. Donc, il n'y a pas de combat pour le pouvoir. C'est un peu, qui est-ce qui accepte d'être maire cette année parce que voilà, le celui d'avant, il est épuisé, il est fatigué, il a besoin de trouver quelqu'un d'autre. Et donc, allez, s'il te plaît, accepte. Non, trop de boulot, allez, s'il te plaît. Non, allez, s'il te plaît. Bon, d'accord. Et voilà, et c'est très difficile de trouver même des gens pour être sur les listes parce que c'est un très grand boulot. Et que et donc, voilà, donc les maires ne sont pas du tout dans la recherche de pouvoir. Alors, bien sûr, il y en a forcément quelques-uns, et c'est comme tout, qui voient la mairie comme une estrade pour aller plus loin. Mais l'immense majorité des maires ne sont que des habitants qui ont acquis à qui leurs administrés ont donné le pouvoir de gérer, de les aider, de gérer cette commune. Mais il n'y a pas cette recherche, en tout cas je ne l'ai pas ressenti dans les discussions, cette recherche du pouvoir. Ouais, c'était quelque chose d'important aussi, je trouve, à faire ressortir. On profite de ce bel élan que tu nous donnes. Là, ça y est, on va partir ensemble. Vous sentez vos séants bouger, les choses sur lesquelles nous sommes assises et effectivement sont en train de se déplacer. Nous partons en 2030 glorieux. C'est extraordinaire. Ça se passe une fois toutes les deux semaines. C'est ensemble, cette fois, que nous jouons l'une des utopies réalistes qui pourraient potentiellement préfigurer les mondes de demain. Je sais que c'est quand même un exercice pas évident, Ulysse. Sache que tout ce que tu vas dire n'engage ni toi, ni moi, ni nous, ni vous. C'est juste un jeu de l'esprit pour s'offrir un cap un peu plus optimiste, un peu plus prometteur que malheureusement les choses que actuellement nous avons face à nous. Pour peut-être ensuite déjouer le sort ou montrer une capacité d'envie, d'optimisme, de dynamisme qui pourra peut-être faire en sorte que tous ensemble nous nous rapprochions de ce cap. Mais il faut quand même le faire exister, ce cap. Nous partons donc en 2030. Nous allons essayer de jouer le jeu au maximum. Effectivement, un monde où tout avait tendance à s'avérer catastrophique, c'est derrière nous. Nous sommes en 2030 glorieux. C'est incroyable. En 10 ans, nous avons réussi des choses extraordinaires. Tu viens d'ouvrir les yeux. Qu'est-ce que tu vois ? Alors, je vois du végétal. Depuis 10 ans, on a arrêté de faire la guerre au végétal, au vivant hein, d'une manière générale, mais le végétal est assez facile à voir. Et donc, je vois du végétal partout autour de moi. C'est pas une forêt, mais c'est du végétal. Il y a des plantes, des arbres, des fleurs. Et puis j'entends un bourdonnement, une vie aussi animale et qui fait que voilà, je vois du vivant. La nature a été remise au cœur de nos habitations. Non, la nature est revenue. Elle n'a pas été remise, elle est revenue. Parce qu'en fait, elle y est, c'est juste qu'on la tue, on la chasse constamment. Et ça nous demande une énergie incroyable. Parce que pour tuer à longueur de journée, ça demande énormément d'énergie, de temps, d'argent aussi. Et en fait, là, on l'a juste laissé revenir. Chasser le naturel, il revient au galop. Et à l'échelle des communes, toi qui, il y a 10 ans, t'étais intéressé dans la vie politique, notamment de ces communes. À quoi elles ressemblent en 2030 glorieuses, ces communes ? Alors, en 10 ans, en fait, elles ont pris conscience de l'importance qu'elles avaient comme potentiel de liens humains déjà. En fait, les gens qui habitent les communes en 2030 glorieuses, c'est des gens qui ont besoin de liens humains. Il y en a beaucoup, en fait. On a tous besoin de ça. Et donc, il y a eu un exode assez important de la ville jusqu'à la campagne parce que les gens avaient besoin de ce lien, aussi bien entre eux que ce lien à la terre. Le fait de pouvoir marcher pieds nus dans l'herbe, un truc très simple, mais voilà, d'avoir ce lien-là. Et donc, en fait, progressivement, pendant 10 ans, les communes ont fait un travail de relocalisation, aussi bien de leur production de nourriture, de production d'énergie, voilà, de réfléchir à comment gérer au mieux les ressources et comment impliquer les habitants au mieux. Et en fait, en faisant ça, bah, elles ont créé de l'emploi. Au début, un ou deux par-ci, par-là. Elles ont encouragé des agriculteurs à venir s'installer, des petits agriculteurs, mais pas que des maraîchers. On a souvent l'image du maraîchage, mais en fait, il y a plein de façons de produire, que ce soit des fruits, des noix, ou même de la transformation. Il y a eu pendant 10 ans plein de métiers qui sont revenus. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que ces villages revivent parce que effectivement, il y a ce besoin-là de se reconnecter à l'autre, à soi et à la vie sur Terre. Oui, parce que finalement, se reconnecter au vivant, c'est aussi se reconnecter à l'autre. C'est aussi oser reparler à son voisin et le voir comme l'occasion de passer d'excellents moments plutôt que de se sentir menacé par ses potentiels déplacements, ses bruits, ses soirées et toutes ses activités, en fait. Ouais, et puis vraiment, enfin, parmi les premiers qui m'ont hébergé, il y avait un couple de retraités qui était trop mignon, que j'ai croisé dans leur potager il y a 10 ans, voilà. Il y a 10 ans. Et je me souviens un peu plus ou moins, hein, il y a 10 ans. On a marché ensemble dans le village et à ce moment-là, parce que lui, son père était chaudronnier, ou non, il faisait des, là où on met du vin, des tonneaux, voilà. Et il était tonnelier et en fait, il me disait, quand j'étais petit, il y avait plein de monde dans le village, ça grouillait, il y avait plein de... parce que tout le monde travaillait là, tout le monde vivait là et il y avait une vraie vie. Et effectivement, je me souviens, maintenant que tu me le dis, il y a 10 ans, quand je marchais avec cette personne-là dans le village était mort. Il n'y avait personne. Il y avait juste quelques voitures garées devant les maisons, mais il n'y avait personne. Et là, aujourd'hui, si j'ai retourné dans ce village, je suis sûr que je verrai de nouveau cette vie-là, parce que les gens sont revenus et ils se sont remis à faire des fêtes de village. Et voilà, et par la création d'emplois, par la création de sens, tout ça revit. Et en fait, c'est une évidence, parce qu'aujourd'hui, on a avec le prix de l'essence qui a augmenté, parce que forcément, la production ne pouvait pas aller aussi vite que l'augmentation de la demande. Donc, le pétrole existe toujours, hein, on utilise toujours de l'essence, mais ça coûte suffisamment cher pour qu'on réfléchisse à 2 fois avant de l'utiliser. Donc forcément, quand on réfléchit à 2 fois avant de l'utiliser, on n'importe plus plein de produits venant de l'étranger, parce que ça coûte beaucoup trop cher, c'est beaucoup plus simple de les produire localement. Et puis c'est agréable, parce qu'on sait ce qu'on mange, et puis on sait qui a produit ça. Et puis notre zone de rayonnement aussi personnel, individuel, c'est beaucoup réduite, puisque finalement, nous ne pouvons plus décider pour un oui ou pour un non de partir à l'autre bout de la France en week-end et de faire des déplacements. C'est devenu quelque chose de modéré, qui a un coût économique assez conséquent. Alors oui, effectivement, ça a un coût. Et en fait, le fait que ça ait un coût, un réel coût, hein, pas comme aujourd'hui où effectivement ça a un coût de l'argent, mais c'est très peu, les choses sont aujourd'hui payées au prix vrai, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que voilà, de la valeur des choses et de l'impact que pouvaient avoir certaines actions. Et donc, entre autres, le transport s'est grandement diminué. Alors aujourd'hui, on peut encore se déplacer à grande vitesse partout, mais il faut que ça en vaille la peine, et on fait pas ça toutes les semaines, et c'est voilà, c'est le transport à grande distance existe encore, et c'est très bien parce que justement ça permet de partager des cultures, de partager des connaissances et même des produits, mais c'est juste qu'on a pris conscience qu'effectivement une heure d'avion brûle énormément de pétrole, et qu'aujourd'hui le coût du pétrole et sa raréfaction aussi, parce que il est cher parce qu'il est il a moins, on est obligé de re-réfléchir à redécouvrir aussi son territoire. Je me souviens, il y a 10 ans, quand j'ai fait ce périple à vélo, je me suis rendu compte qu'on pouvait passer des moments incroyables et découvrir énormément de choses à côté de chez soi. Moi qui suis parisien, je me suis rendu compte qu'il y avait de tout ce qui se trouvait dans le Calvados. Et encore, je n'ai fait que le Calvados. Et je n'avais rencontré que 64 maires tirées au hasard. Mais il y a tellement de choses qui se passent proches de chez nous. Et donc, on a appris à redécouvrir ça et à recréer du lien. Je suis vraiment content de vivre en 2030. Tu parlais de ces maires, on parlait de démocratie. Il y a quand même 10 ans en arrière, il y avait une défiance extraordinaire sur la vie politique au niveau national, quand même aussi au niveau local. Qu'est-ce qui a fait que 10 ans plus tard, la relation à la citoyenneté en France est radicalement changée? Comment aujourd'hui, le citoyen français en 2030 glorieuse est proactif, presque dans une éco-citoyenneté du quotidien? Parce qu'il a pris conscience qu'il avait un pouvoir énorme. C'est la deuxième leçon que, à l'époque, il y a 10 ans, j'avais tirée de ma synthèse. D'une part, que les maires ont un pouvoir énorme, mais aussi que les habitants ont un pouvoir énorme parce qu'ils habitent là, ils sont les habitants. Et le maire n'est pas loin, dans le sens où s'ils veulent prendre rendez-vous avec lui, s'ils peuvent lui parler, s'ils veulent le sensibiliser ou même faire pression sur lui, ils peuvent. Et d'ailleurs, c'est ce que me disaient les maires, c'est qu'en fait, quand j'allais chez les habitants, ils me disaient oui. Nous, on peut rien faire, ça c'était il y a 10 ans, c'est longtemps maintenant, mais on peut rien faire parce que c'est le maire qui décide et on attend qu'il nous propose des choses, qu'il initie des choses. Et puis quand j'allais voir le maire me disait bah, en fait, moi j'attends que les habitants me proposent des choses, qu'ils initient des choses. Donc il y avait une sorte d'attente réciproque, et ne serait-ce qu'aussi pour légitimer l'action du maire. Le maire a besoin que les habitants lui fassent part de leurs envies pour que lui puisse ensuite aller voir à l'intercommunalité, aux échelons supérieurs, en disant tous les jours, il y a quelqu'un qui vient me voir pour me demander quand est-ce que je vais mettre des aliments locaux dans la cantine de la commune. Et au premier jour, ils étaient un, le deuxième jour, ils sont deux. Et puis en fait, là, il y a plein de gens qui me demandent. Et ils prennent juste rendez-vous et ils viennent me rencontrer, ils me parlent de ça. Et donc en fait, ça permet d'asseoir la légitimité du maire pour aller aux échelons supérieurs. Et donc en fait, les gens ont réalisé qu'ils avaient un vrai pouvoir et qu'ils pouvaient aller voir leurs élus, qu'ils pouvaient aller leur parler et faire pression sur eux. Et après, chacun localement s'est organisé différemment. Il y a des communes qui effectivement impliquent tous les citoyens et décident tous ensemble de ce qu'ils vont faire, et c'est très bien. Ouais, pour ça, la technologie a beaucoup favorisé le dialogue du quotidien, hein, dans le recueil des propositions, dans le recueil des plaintes aussi. Il y a quand même une relation qui peut se faire notamment à travers des applications de démocratie participative qui permettent une plus grande fluidité dans les échanges, non ? Alors oui, mais en fait ça a marché un temps parce que pour faire tenir ces applications, entre autres, il fallait beaucoup d'énergie. D'accord. Et donc on a réduit grandement l'utilisation de ces applications. À quoi ça ressemble alors maintenant ? Alors aujourd'hui, c'est assez simple, hein. Aujourd'hui on parle. Et en fait, c'est révolutionnaire. C'est assez fou, effectivement. On parle, on discute, on prend le temps. Et en fait ce temps-là, on ne l'avait pas il y a 10 ans et on l'a pris parce que le temps... ça se prend. Et on l'a pris et on s'est rendu compte que c'était un super investissement de passer du temps à discuter avec des gens. Et puis surtout à l'échelle d'une commune, on peut le faire parce que c'est pas trop grand. Mais ça, c'est pas toujours le cas. Enfin, dans le sens où il y a des communes qui ont fait ce travail-là de tout faire en commun, mais il y a aussi des communes qui ont délégué le pouvoir au maire. Et le maire est un personnage éclairé qui prend des décisions, qui fait des choix et qui en réfère à ses administrés, qui les tient au courant régulièrement. Il n'y a pas forcément non plus un collège d'habitants qui décide de tout le temps. Ça peut être aussi un élu qui fait des choses. Enfin, voilà. Donc, en gros, aujourd'hui, en 2030, en France, il y a plein de façons différentes de gérer la commune, de faire en sorte qu'elle prospère et que les habitants soient heureux. Et chacun, localement, se sont organisés pour répondre à leurs besoins. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que chacun a trouvé des façons différentes, adaptées à sa réalité. Et c'est cette richesse qui fait aujourd'hui la force de la France. Et cette richesse, elle se sent aussi au niveau national. Qu'est-ce qu'on voit poindre 2030 glorieuse ? La démocratie, c'est aussi du national, c'est aussi de l'international, de l'européen. Qu'est-ce que tu as vu qui peut te sembler tellement inspirant et passionnant que tu as envie d'en rendre compte comme ça à toutes les personnes qui nous écoutent ? En 2030 glorieuse, effectivement, il y a tout un travail aussi au niveau national, européen et international, mais qui s'est grandement réduit par rapport à, je me souviens, en 2020, où il était énormément question de ces échelles-là. Ouais, c'était prépondérant. Voilà, c'était eux qui décidaient, et ensuite, nous, localement, on appliquait. Aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse, c'est une remontée d'informations, une remontée de bonnes pratiques aussi, pour partager cette connaissance-là. Et donc, il y a des délégués qui, en fait, font de chaque commune et qui rejoignent des collègues, des comités au niveau national, enfin départemental, régional, national, et aux différentes échelles, européens aussi. C'est une bonne façon de partager ces bonnes pratiques. Et puis comme on a tous pris conscience qu'il fallait qu'on agisse collectivement, c'est vraiment quelque chose qui est partagé au niveau mondial. Moi j'ai pas beaucoup voyagé à l'étranger depuis 2020. Je me suis surtout resté en France parce qu'il y a énormément de choses encore à faire en France, même si on est en 2030 glorieuse. Pour les 2-3 minutes qui nous restent, Ulysse, parlons de toi. Tu es toujours un ingénieur curieux ? À quoi ressemble ton quotidien en 2030 glorieuse ? En 2030 glorieuse, je suis toujours ingénieur curieux. En 2030 glorieuse, en fait, et depuis 10 ans, j'aide les communes à faire la transition écologique. Je les assiste, mais pas forcément techniquement, mais juste en les aidant à se poser les bonnes questions. j'ai réalisé l'importance de ce travail-là en faisant ce périple-là, où je me suis rendu compte que voilà, il y avait plein d'élus et d'habitants qui avaient besoin d'aide pour se poser les bonnes questions. Et donc, depuis 10 ans, j'accompagne ces communes-là en les faisant réfléchir, en les faisant travailler ensemble. Et puis, je les accompagne aussi techniquement, parce que de par ma formation d'ingénieur, que ce soit dans l'eau, dans l'énergie ou dans la nourriture, je les accompagne pour les guider techniquement. Mais c'est surtout faire émerger localement les bonnes idées, faire émerger et que ça prenne corps aussi, parce qu'un projet qui est porté par les habitants a toujours plus de réalité de vie et d'implication et de réalité dans le monde des habitants, parce qu'ils le font pour eux. Et quand on fait quelque chose qui nous touche, on le fait bien. Et si on le fait mal, on apprend de nos erreurs et la fois d'après, on le fait mieux. C'est aussi compliqué et aussi simple que ça d'engager la transition. Ça commence par se poser des questions. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'aime beaucoup le concept de la question du questionnement, parce qu'une information qu'on ne demande pas, on la retient beaucoup moins bien. Et donc, au lieu d'aller dire aux gens, il faut absolument que vous relocalisiez la production, que vous réfléchissiez à la production d'eau, que vous relocalisiez la production de nourriture, en posant la question d'où vient l'eau potable qui sort du robinet, les gens, certaines personnes s'en moquent complètement et très bien, et d'autres vont se dire, si je me renseignais, ils vont creuser, ils vont tirer un fil, et avec du questionnement, ils vont se rendre compte que l'eau vient de la rivière, et donc ils vont se dire, attends, mais si la rivière elle est polluée, ça veut dire que mon eau est polluée, non, il y a de la filtration, mais donc ça veut dire que si la rivière elle est sèche, il n'y a plus d'eau, et donc ils vont s'intéresser à la vie de cette rivière, alors qu'avant elle était très très lointaine, c'était l'écologiste et l'environnement pour protéger la rivière, mais on s'en foutait complètement, alors que là ils font le lien entre la rivière et leur eau. Et ce qui est fou, c'est que quand on commence à se poser des questions, ensuite on se rend compte que les réponses existent aussi déjà, puisque entre 2030 glorieuse et 2020, finalement il n'y a rien qui a été inventé, mais on a assisté à une sorte de passage à l'échelle géant de toutes ces pépites, de toutes ces preuves de fonctionnement qui existaient déjà à l'échelle locale, cachées presque ça et là, qui ont juste été relayées et finalement adoptées par le plus grand nombre. À chaque fois, avec des réalités territoriales, des réalités d'expérience, de plein de choses, de moyens qui font que ça doit être adapté. Mais en fait, se mettre au diapason de la transition, c'est souvent plus copier qu'inventer. Oui. Le seul problème, c'est que ça prend du temps. Ouais. Et en fait, même si on est en 2030 glorieuse, c'est pas encore fini. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que quand on travaille avec de l'exemple, forcément, le temps que ça se mette en place et le temps que ça soit apprécié et que ça fonctionne et qu'on puisse avoir des retours sur expérience et qu'on puisse en parler aux voisins, ça prend énormément de temps, mais c'est une vraie transformation. Et c'est pour ça que le questionnement, l'exemple, c'est comme ça que, en tout cas, qu'aujourd'hui, je travaille en tant que accompagnateur de transition écologique pour les communes. Ça prend énormément de temps. Disons 10 ans, c'est long et c'est court en même temps. Quand on se trace ce cap, où tu mets beaucoup en avant la force du collectif, la force de l'apprentissage par l'erreur, il faut quand même commencer par faire un premier pas, Ulysse. Le premier pas, pour les personnes qui nous écoutent, quel devrait-il être selon toi ? Alors le premier pas, c'est de se poser des questions. En fait, dans la synthèse de l'étude qui est disponible sur le site de laroutencommune.fr, à la fin, il y a le questionnaire que j'ai posé au maire, exactement. Et donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent à lire ce questionnaire et à se poser les questions qui y sont. Chez moi, d'où vient l'eau potable qui sort de mon robinet ? D'où vient la nourriture ? Et en se posant ces questions à soi, on a déjà commencé, en fait, à s'interroger sur son environnement. Et puis, une fois qu'on a posé ces questions-là, de les poser à son voisin, à ses collègues, à ses amis, à sa famille, et d'aborder le sujet. Et d'ailleurs même éventuellement de se servir de l'étude comme d'un prétexte à la discussion en disant est-ce que la situation qui est décrite là-dedans te convient ? Si oui, très bien. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer les choses ? Ce document-là, c'est vraiment un outil, une bonne excuse pour aborder le sujet de la gestion de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture, de l'implication des citoyens avec tout son environnement, avec ses élus, ses candidats, enfin tout ce qu'on veut. Mais c'est un excellent moyen d'aller vers l'autre. En n'utilisant pas la confrontation, mais vraiment un élément extérieur d'utiliser ce document-là ou d'autres, il en existe plein, comme prétexte à la discussion. Et donc, je vous encourage vraiment à commencer par se poser à soi les questions, puis ensuite de les poser aux autres. Et c'est comme ça qu'on ira vers la transition écologique et vers un avenir meilleur. Merci, Ulysse. Avec plaisir. Ça y est, ce nouvel épisode de 2030 Glorieuse est terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi de partir à l'aventure avec Ulysse Blot, qui a eu ce courage extraordinaire de s'écouter. Je crois que ce podcast était vraiment sous le signe de la curiosité, une curiosité qu'Ulysse a décidé de mettre au centre de sa vie. Il en a fait un moteur incroyable pour partir à la rencontre des maires et découvrir ce que voulait dire le pouvoir du maire dans la commune, à travers son projet La Route en Commune, bien nommé. Et puis, cette curiosité aussi qu'il utilise comme une arme de construction massive, puisqu'en posant des questions, il amène les gens à se repositionner, à se réapproprier leur compréhension, mais aussi leur action. Comme quoi le pourquoi semble être une arme extraordinairement puissante qu'il nous invite à utiliser sans compter. Et moi, je vous dis à très vite. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommencepermoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !